Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Les premiers siècles du Coran. Le Coran n'est pas modelé sur un canevas biographique comme les évangiles, et non plus sur un classement par matière comme la Bible. C'est-à-dire que nous avons ici, dans un apparent pêle-mêle, ce qui est loi, ce qui est apocalypse, ce qui est histoire, ce qui est mythologie, entre guillemets, etc., etc. Mais tout cela dans ce qui nous apparaît être un enchevêtrement. La voix de Jacques Berck. À la mort du prophète en 632, il n'existe pas de texte continu de la révélation. Cependant, le passage à l'écrit a commencé de son vivant, ne serait-ce que comme support pour la récitation. Les fragments de départ, encore épars, sont ensuite rassemblés dans des recensions qui se veulent systématiques. Une première vulgate est ainsi constituée au milieu du 7e siècle. La tradition dit que c'est sous l'égide du calife Ousmane. Parmi tous les reproches qui sont faits à Ousmane par ceux qui vont l'assassiner, il en est un qui pique la curiosité. Le Coran, énonce-t-il, était multiple et tu l'as fait un. Ce qui laisse entendre que d'autres recensions circulaient. Aujourd'hui, on dispose de multiples documents qui témoignent de cette pluralité des versions, notamment ceux récupérés au début des années 1970 dans une cache entre les voûtes et le toit de la grande mosquée de Sanaa. Il est d'ailleurs à noter qu'on aurait pu accorder davantage d'importance aux innombrables manuscrits du livre dont nous disposions depuis longtemps et qui formaient comme un dépôt négligé. Maintenant qu'on aborde plus précisément leur contenu écrit, celui-ci apparaît soudain assez mouvant. Certes, le salut doit venir par l'écriture. Néanmoins, entre la première tentative califale de codification du 7e siècle et la seconde au 10e siècle, l'aiguille de la boussole a pas mal bougé. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Avec François Desroches, bonjour. Bonjour. On entendait Jacques Berck, qui a été professeur au Collège de France. Et vous, vous êtes le tout dernier des professeurs au Collège de France. Vous avez prononcé votre leçon inaugurale en avril. Et votre chaire est une chaire d'histoire du Coran. À dire le vrai, François Desroches, il y a une continuité dans l'histoire de l'arabe, en tout cas au Collège de France, pratiquement dès le début, dès le XVIe siècle. Début, effectivement, ouais. On ne saura jamais exactement ce qu'enseignait Postel, puisque on n'a pas enregistré les quelques cours qu'il a donnés. Mais Postel, c'est au milieu du XVIe. Au milieu du XVIe siècle, mais dans sa grammaire arabe, il avait déjà imprimé un petit bout de Coran à titre d'exemple. Un couple de professeurs d'arabe au Collège de France que vous citez dans votre leçon inaugurale, les Caussin de Perceval, ils sont assez extraordinaires. Oui, ceux-là. C'est fantastique. Alors là, pratiquement un siècle d'enseignement de l'arabe. 1783-1871. Voilà, c'est un. Le fils a succédé au père. Le fils a succédé directement au père et il disait dans ses cours qu'il était né au Collège de France. Alors le Serge Haroche, avec qui j'en parlais, me disait qu'il était un peu surpris puisque l'administrateur seul, en principe, est hébergé sur place, mais peut-être qu'au XVIIIe siècle, il en allait autrement. En tous les cas, c'est une destinée tout à fait hors du commun. Jusqu'au XVIIIe siècle, justement, les professeurs au Collège de France avaient sur leur table de travail, dites-vous, des versions non pas imprimées, mais manuscrites du Coran. Oui, en fait, c'était très souvent la façon la plus simple d'avoir une copie du Coran. Le Coran a été imprimé en Occident à partir du début du XVIe siècle, mais c'est vrai que cette première édition a pratiquement disparu complètement, à l'exception d'un exemplaire. Les autres ont eu un succès divers, mais finalement le plus simple c'était encore d'acheter un manuscrit, ça se trouvait plus facilement. On verra comment on peut faire l'inventaire des manuscrits tout au long de cette émission qui va être consacrée à la manière dont se fabrique le code coranique. Vous avez consacré, après de multiples livres, un article dans Le Monde des Religions hors série, 20 dates clés de l'islam. C'est plutôt à l'occasion de cette publication que de la Réunion des Républicains que nous faisons cette émission. François Desroches, la première fixation, elle se veut un barrage contre l'oubli. La mémorisation n'est pas suffisante. Un barrage contre les divergences aussi. Et selon la tradition musulmane, on la fixe au moment du règne, au milieu du 7e siècle, du calife Ousmane. Vous permettez qu'on écoute avec la révérence qui convient la version orthodoxe telle qu'elle est ici tout à fait exprimée par le grand moufti de Damas. C'est une autorité. En 2001. Le Coran jumi'a ba'da wafati Rasulillah mubasharatan. Le texte du Coran a été rassemblé juste après la mort du prophète. En effet, lors de la rébellion de certaines tribus arabes, de nombreux compagnons qui avaient mémorisé le Coran étaient tombés en combattant, en martyrs. On craignit donc que la perte de ces mémoires vivantes n'entraîne la perte d'une partie du Coran. Othman a essayé de collecter toutes les planches sur lesquelles étaient écrits les versets du Coran. On entend par planche les peaux d'animaux sur lesquelles on a écrit les versets. Il a donc rassemblé tout cela pour pouvoir choisir et il a constitué le Coran. C'est ce qu'on appelle le Coran d'Othman. Puis, si l'on en croit les chroniques, il a détruit le restant des planches. Ce n'est pas parce que l'autorité s'exprime que le paléographe que vous êtes, François Desroches, spécialiste des anciennes écritures, l'historien matériel du livre ne peut pas s'exprimer. Tout à fait. Les planches dont il est question, alors je pense que c'est un petit peu une confusion parce qu'il y a une expression traditionnelle qui attribue à Abou Bakr, puisque c'est en fait de lui dont il est question dans ce récit, la bataille au cours de laquelle serait mort un grand nombre de gens qui connaissaient le Coran par cœur, c'est la bataille de la Yamama. Et depuis longtemps, depuis la deuxième édition de la Geschichte des Korans de Noldeke, on sait qu'en fait, le nombre des morts de la Yamama qui connaissaient le Coran par cœur, d'après la tradition musulmane, était assez réduit. Donc, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Je souris parce que vous me racontiez avant l'antenne, François Desroches, que à l'issue du premier cours, une délégation de bourgeois de Calais qui y assistait est venue vous dire « Mais inscrivez les mots au tableau, mais on n'a pas de tableau !» C'est toujours la nécessité de l'écrit, vous voyez. Alors c'est écrit comment d'ailleurs, les premiers fragments? C'est sur des bouts d'omoplates de chameaux, voilà, sur des tessons? La tradition musulmane insiste sur le fait que c'était des supports très divers, mais d'après ce que l'on peut savoir, les gens connaissaient également des supports comme le parchemin, comme le papyrus. Alors c'est vrai que le Coran, en tant que livre, en tant que codex, c'est-à-dire un livre tel que ceux que nous connaissons de nos jours, n'était pas possible dans la mesure où son organisation n'est tout simplement pas compatible. Un livre, vous avez un début et une fin, finalement c'est un petit peu ce que disait Jacques Berck. Il y a un récit, vous commencez par 1 et vous allez vers des nombres croissants. Là, les plus anciennes sourates sont à la fin, les plus récentes au début, donc on ne peut pas faire de livre du Coran avant que la source ne se soit éteinte. En fait, il faut la mort de Mohammed pour qu'on puisse enfin constituer le livre. Mais il parlait de planches, le grand mufti, et ça ne vous plaisait pas? Ça ne me plaisait pas, parce qu'en fait, la tradition arabe parle de recueillir le texte du Coran Bain el-Hain, entre deux planches. C'est les deux couvertures, si vous voulez, la reliure du Coran. Donc, je crois que ce monsieur avait imaginé une collection de tablettes. Enfin, après ça, il essaye d'expliquer qu'en fait, les planches, ce sont des peaux de mouton. Bon, c'est... Mais il a raison quand il dit que tout ce qui n'a pas été sélectionné a été jeté. Je suis pas sûr que ce soit exact, ça. Non, c'est pas aussi exact que ça. Et on parlera peut-être du palimpseste de Sana plus tard. Tout à l'heure, oui, on réserve ça. Le meilleur pour la fin. Disons que ce qu'on a conservé, il faut rappeler quand même que ce sont des documents qui sont extraordinairement proches de la mort de Mohammed, hein, des manuscrits de la deuxième moitié du 7e siècle. Donc c'est une situation, par exemple, beaucoup plus favorable, entre guillemets, pour une transmission manuscrite que ça n'est le cas pour la Bible, les évangiles, où se passent plusieurs siècles avant qu'on ait enfin un document écrit. Là, c'est vraiment très, très direct. Mais c'est vrai que, d'une part, la notation de l'arabe à l'époque est très déficiente. Et deuxièmement, il y a, semble-t-il, plusieurs versions. Et je posais l'autre jour la question en public. Pour ces gens-là, est-ce que le Coran, c'était bien toujours la même chose que ce que nous, nous appelons le Coran ? Oui, mais enfin, Ousmane, si on en croit les chroniques, je cite le grand mufti, il a fait faire, lui ou ses successeurs, 4, 6, 7 copies destinées aux grandes villes de l'Empire qui s'étendaient, et l'une d'elles, au Caire, parce que c'est vraiment une des copies d'origine. Est-ce que c'est vraiment de la fin du 7e siècle ? Elle est exposée de telle manière qu'on la regarde, j'insiste sur ce mot qui ne vous est pas familier, avec révérence. Voici un imam allemand, Farid Heider, devant cet objet. Dans la mosquée Al-Hussein du Caire, un exemplaire du Coran attribué à Ousmane serait gardé derrière cette porte que les fidèles embrassent. Une véritable relique que, exceptionnellement, Farid Heider est autorisé à approcher. C'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation, ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. C'est grandiose, c'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint Coran. Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages ? 1087 feuillets. Ah. Je sens que vous ne pouvez pas contester le poids, mais que vous allez dire que la date de cet objet hors norme n'est peut-être pas celle qu'on dit. Voilà, je crois qu'on peut remettre en question. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que récemment, un savant turc, Tayyar Altıkulaç, a publié ce manuscrit et à la fin, il arrive à la conclusion, basée uniquement sur la tradition musulmane, que ça ne peut pas être le Coran de Osman. Et de fait, il suffirait de faire une analyse du carbone 14 du parchemin pour avoir un résultat qui serait postérieur. En fait, c'est une copie pour moi qui date des débuts de l'époque abbasside, donc des années 760, si vous voulez. Donc un changement de voilà. Régime. Et ça fait, il fait partie d'un groupe de copies de très grand format qui se présentent toutes avec 12 lignes à la page. Il y a le célèbre Coran de Tashkent, également attribué à Osman. Il y a quelques feuillets qui sont à la Bibliothèque nationale, le reste au Caire, qui est également attribué à Osman. Et on pourrait multiplier. Et je dirais qu'à Istanbul, une fois, quelqu'un me disait « Mais monsieur, vous ignorez que le Coran de Osman est à Istanbul. » Et je lui ai répondu « Non monsieur, il n'y a pas un Coran de Osman à Istanbul, il y en a 4. Il y en a 2 au moins à Topkapı, un au musée des arts turcs et islamiques. » Donc c'est à croire que Osman avait une maison d'édition et a publié le Coran en des dizaines d'exemplaires. Ce que je ne comprends pas bien, et c'est valable pour les copies d'Osman, même si on ne les connaît que partiellement, comme pour ces copies du 8e qu'on vient d'évoquer, c'est que c'est pas facile à lire, on n'arrive pas à déchiffrer, il faut tourner autour, on n'ose pas tourner les pages. Donc la justification de ces copies, des codifications qui empêchent les variations dans la récitation est inexacte. Alors bon, ces copies dont on vient de parler sont un cas un peu particulier parce qu'il semble qu'il y a eu une espèce de crise rigoriste et on a fait une sorte de retour en arrière. L'écriture est une écriture, disons, plus moderne que les plus anciens Corans, mais par exemple, on avait déjà commencé à utiliser des notations pour les vocalisations, mais une autorité de l'époque avait dit pour les Corans publics, pas de vocalisation. Et donc, ces Corans correspondent justement à cette espèce de phase de régression. Mais il n'en peut... 8e siècle. Mais si l'on regarde l'histoire du texte coranique manuscrit sur la longue durée, jusqu'au Xe siècle, ce qu'on voit, c'est justement que progressivement, on invente des outils pour noter chaque fois de manière plus précise le texte du Coran. Et les outils servent aussi à la vocalisation. Je vous propose qu'on marque une pause avant qu'on aborde l'autre verset de l'émission consacrée à la contestation de la tradition orthodoxe. Voici Noureddin Khourshid. Alors, on est dans une toute autre époque. Il est lui aussi de Damas, mais sa récitation du Coran est inspirée par des traditions plus récentes, celle de Rumi par exemple. Ya zari al-rayhan hawla khiyamina la tazra'i al-rayhan lest muqim talama ashku gharati ya nur al-wujud talama ashku gharati ya nur al-wujud wa unadi yatiyami ya ma'din al-jumud wa unadi yatiyami ya ma'din al-jumud munyati aqsa marami ahwa bishuhud بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود قدم أشكو مرامي يا نور الوجود وأنادي يا ديامي يا معدن الجود وأنادي La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Avec François Desroches, nouveau professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire du Coran, qui participe au numéro hors-série du Monde des religions, qui paraît aujourd'hui et qui est intitulé « 20 dates clés de l'islam ». Parmi les dates clés, c'est le sujet que vous traitez dans ce numéro, François Desroches, la fixation de la codification du Coran qui se fait sur une longue durée qu'on peut explorer grâce aux dépôts un peu trop négligés, pensez-vous, de manuscrits du Coran qu'on a dans beaucoup de mosquées. Oui, ça c'est une de nos chances, c'est que les musulmans étaient très soucieux de ne pas laisser les vieux Corans dépareillés traîner n'importe où. Donc on a collecté ce matériel, on l'a accumulé dans des dépôts, dans des mosquées, donc celle de Damas, celle de Foustat, celle de Kairouan également, et également à Sanaa. Foustat, c'est l'ancienne capitale arabe. Ce qu'on appelle aussi le vieux Caire. C'est ouais. En fait maintenant ça fait partie de l'agglomération, mais c'est l'endroit où se trouve la plus ancienne mosquée de ce qui est actuellement le Caire. Beaucoup des manuscrits de Foustat sont à la Bibliothèque nationale. J'allais dire chez vous parce que vous avez commencé votre carrière à la Bibliothèque nationale. Absolument. Vous aviez un peu de mal quand même les premiers jours à lire le fond dont vous étiez le garant. Le premier numéro de la série, c'était d'ailleurs le jumeau de ce Coran dont on parlait tout à l'heure, ce très grand Coran. Et je reconnais que quand je suis allé dans le dépôt chercher ces quelques feuillets, parce qu'il y en a une trentaine, je crois, au total, mais d'une taille absolument hors norme, j'ai été très impressionné. Vous avez cité le nom de Sanaa pour la deuxième fois. Il faut qu'on y aille. Nous sommes donc dans la capitale du Yémen au début des années 1970. Le toit de la grande mosquée de Sanaa, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne, avec une écriture très rudimentaire, composée d'un simple squelette de consonnes. Je vais vous montrer un exemplaire de ce que nous avons vu au laboratoire. Comme vous pouvez le voir sur ce texte, il n'y a pas de point sur les lettres, ou alors très rarement. Quand ils y sont, ils sont en noir et ce que vous voyez en rouge, ce sont les accents, c'est-à-dire les voyelles brèves, le A, le I, le U. Alors nous sommes à la fin du 7e siècle quand ce texte est produit, donc avant le Coran du Caire dont on absolument parlait, oui, tout un instant, et ça n'est pas la même version. Alors, disons que dans les fragments de Sana, et ce qu'il faut savoir, c'est que vers 2008, on en a découvert de nouveau à Sana. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il y a, puisque la guerre civile fait rage dans ce pays. Certains des manuscrits sont des Corans qui correspondent tout à fait à ce que nous connaissons, c'est-à-dire au rasme de Haussmann, c'est-à-dire le squelette consonantique qui est associé au nom du calife. Mais parmi ces manuscrits, il y en a un en particulier, un palimpseste, c'est-à-dire un manuscrit qui a été gratté de manière à pouvoir écrire à nouveau dessus, dont la couche inférieure, l'écriture initiale, celle qui a été effacée, montre des lectures du Coran différentes de celles qui fait partie de celle qui est considérée comme la Vulgate. Donc ça a été un événement très important dans la mesure où ça confirme finalement ce que disait la tradition musulmane. Au début de l'islam, il y a eu plusieurs Corans, plusieurs versions en concurrence. L'une d'entre elles a gagné, c'est celle de Haussmann, mais elle était au départ en compétition avec d'autres. Joli rétablissement, vous retrouvez la tradition musulmane première. C'est à cette époque que vont apparaître les enluminures, alors qui ont beaucoup intéressé les historiens de l'art, mais qui peuvent aussi faire réfléchir autrement. L'enluminure, effectivement, arrive en seconde. Dans les premières copies que nous avons, notamment celle qui est à la Bibliothèque nationale, qui est une des plus anciennes, il y a simplement des espaces blancs entre les sourates. Et puis, sans doute parce que l'islam entre très vite en contact avec les autres traditions manuscrites de la région, on se rend compte qu'un livre n'est pas simplement un texte, mais également un objet d'art, et une sorte d'émulation s'opère. On introduit des enluminures pour que le livre important qu'est le Coran soit également un beau livre. Alors ça, c'est très important dans la réflexion, justement. C'est le rapport que l'islam conquérant est obligé d'entretenir avec les gens du livre. Absolument. Avec la Bible. Et avec d'autres textes même qui sont déjà mentionnés dans le Coran. Le Coran mentionne la Torah, les évangiles, donc il y a cette connaissance antérieure. Et puis ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que dans certains auteurs musulmans, des juristes en l'occurrence du 8e siècle, on fait des explorations pour voir ce qui est permis de faire, ce qui n'est pas permis de faire, et l'une des questions, c'est est-ce qu'on peut payer pour se faire un Coran, une copie du Coran. Et on mentionne des cas très intéressants d'un cadi irakien qui a fait faire son Coran par des chrétiens. Donc il y avait des chrétiens qui copiaient le texte du Coran à cette époque pour des musulmans. Et beaucoup de Corans d'ailleurs se retrouvent à l'époque carolingienne dans les collections occidentales, peut-être plus nombreux que les Bibles. Je voulais, pour finir et pour rester dans l'histoire matérielle du livre, évoquer en Occident, les premières traductions du Coran. Il s'agit ici d'un manuscrit venu de la Grande Abbaye de Cluny. On a calculé qu'on pouvait tirer d'une peau environ 8 feuillets de parchemin en format in quarto. La confection d'un manuscrit comportant par exemple 235 feuillets in quarto nécessite une trentaine de peaux. Une collection de 300 manuscrits représente donc à peu près 9000 peaux, soit l'équivalent d'un troupeau de 9000 moutons. Le travail du copiste, puis celui de l'enlumineur, peut demander pour un seul manuscrit plus d'une année. Un moine, au cours de sa vie, ne peut guère espérer en réaliser plus d'une trentaine. La bibliothèque de Cluny en possédait environ 570. Certains magnifiquement enluminés, dont une traduction du Coran en latin, que l'abbé Pierre le Vénérable avait voulu pour pouvoir mieux réfuter cette doctrine de Mahomet. Donc nous avons devant les yeux une bombe. Oui, nous avons une bombe, et une bombe qui nous permet de comprendre dans quelles conditions s'est fait le premier rapport intellectuel avec l'islam. Pierre le Vénérable prend l'initiative de commanditer des traductions indispensables pour mieux connaître l'islam, c'est-à-dire bien sûr, évidemment, le Coran, mm-hmm. et il en commande la traduction. Mais là, c'est une grande première. Les traductions depuis en Occident, il y en a eu une infinité. On entendait Pierre Legendre parler de celle de Pierre le Vénérable. Jacques Berck, votre prédécesseur au Collège de France, en a fait une aussi. Vous, votre projet, je voudrais que vous nous le définissiez d'un mot alors qu'il est arborescent, c'est autre chose. L'Occident peut apporter au Coran une édition scientifique ? Je pense que c'est une des tâches qui sont importantes à l'heure actuelle. Il y a des éditions du Coran destinées aux fidèles qui remplissent parfaitement leur rôle. Le projet qui est le mien, ça n'est bien sûr pas de les remplacer, ça serait ridicule. C'est plutôt de donner un outil de travail pour ceux qui travaillent sur le Coran, pour les historiens du texte, qui ont besoin de savoir quelles sont ses caractéristiques. Et les manuscrits que nous avons finalement en assez grand nombre permettent de dater les différentes composantes. Alors, c'est un travail de longue haleine, et nous avons la chance de vivre à l'époque des humanités numériques, donc ce sera vraisemblablement quelque chose qui reposera sur l'outil informatique pour tenir en compte cet objet multidimensionnel. Merci à vous. En attendant, dans le monde des religions, 20 dates clés de l'islam, un article signé de votre nom, votre que sais-je, François Desroches, sur le Coran. Puis je recommande aussi à nos auditeurs, s'ils sont à Paris, les rendez-vous de l'histoire arabe à l'Institut du monde arabe qui commence ce jour. On a parlé des Corans très lourds. Et vous, Mathieu Vidard ? Eh bien, on va vous conseiller de ne pas faire de régime, mais on va quand même vous aider à perdre du poids. Merci à vous. Après le succès d'Un été avec Montaigne et d'Un été avec Proust, passez un été plein de poésie avec Baudelaire. Aucun autre poète ne nous a laissé autant de vers mémorables. Aucun auteur n'a mieux parlé de l'amour, du spleen, du voyage, mais aussi de la peinture et du rire. Redécouvrez cet écrivain moderne et anti-moderne, inclassable et irréductible. Un été avec Baudelaire, d'Antoine Compagnon, un livre France Inter. Vous avez toujours été indécise. Non, enfin si, non. Quand vous signez vos mails, c'est... Cordialement, bien cordialement, à vous. En règle générale, vous vous débrouillez bien. Pour la sonnette, j'ai décidé, c'est un dring-dong. Mais quand vous voyez une barrière d'un passage à niveau qui se ferme, vous êtes mal, très mal. J'y vais, non, trop tard. Si, j'y vais, mais vite. Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau, respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Orchestre National de France, 80 ans de concerts inédits. Un coffret prestigieux de 8 CD retraçant l'histoire de l'Orchestre National de France depuis 1934. 80 ans de concerts sous la direction des plus grands chefs d'orchestre avec des solistes d'exception. Une coédition INA Radio France. Pour le Vieux Colombier de lundi 8, rendez-vous sur le site de la Marche de l'Histoire pour la conduite à suivre. Je crois qu'il reste quelques places. Il est 14h, vous écoutez France Inter.